Un dernier petit 30 minutes à passer ensemble, où ce que je vous offre de la musique de l'Ouest canadien. Et on va commencer ça avec un peu de jazz, avec une très belle voix, Crystal Plamondon. Et oui, je sais que Crystal Plamondon est reconnue pour de la musique country cajun, mais il y a quelques années, elle a sorti un album qui s'appelle Torch, un album de standard jazz, majoritairement anglophone, mais quand même, il y a deux pièces francophones sur cet album-là. Je ne regrette rien de Edith Piaf et C'est l'amour, très très belle chanson qu'on va entendre dans quelques instants, que vous allez voir, c'est vraiment magnifique. Elle sera en spectacle Crystal Plamondon le 21 septembre avec Gord Matthew, John Caverly et Chris Zeziki, j'espère que je prononce bien son nom. Ça sera au Carlson on McLeod à High River en Alberta. Donc, ça risque d'être une très belle soirée pour ceux qui aiment le jazz. Ceux qui aiment le jazz également aimera la prochaine chanson aussi. C'est Susan Kennelly du Manitoba, de Winnipeg, qui a sorti un EP francophone, 5 compositions originales en français. Des belles pièces jazz, dont un peu comme eux. Très, très belles chansons, vous allez voir. Je pense que vous allez aimer ça. Et on va terminer ce premier bloc de musique de l'Ouest avec tout simplement la charmante Marie-Josée Ouimet, qui, elle, tirée de son deuxième album, va nous offrir Litanie pour l'été, espèce de blues jazz assez intéressant que j'aime bien. Donc, ça s'en vient également dans quelques instants. Mais là, on y va avec... Madame Crystal Plamondon, voici C'est l'amour. C'est l'amour qui fait qu'on aime. C'est l'amour qui fait rêver. C'est l'amour qui fait. C'est l'amour qui fait pleurer. Mais tous ceux qui croient qu'ils s'aiment, ceux qui font semblant d'aimer, oui, tous ceux qui croient. De tant de larmes vélo usé, la pelure d'un fruit, un soulier éraflé, une branche qui vacille, un vêtement déchiré, un livre à moitié lu, des tasses dépareillées, une chaise qui boitille, un jouet tout mordillé, une rime inachevée, des mouchoirs pleins de larmes. Je me sens un peu comme eux, un objet périssable dont les heures sont comptées et dont tu ne veux plus. Ton regard est absent, ton âme impénétrable. L'amour a fait son temps et la vie continue. Un bonbon poussiéreux, un ticket composté, une photo retouchée, des fleurs un peu fanées, une bougie sans mèche, une clé orpheline, un vieux pot de peinture, un drapeau décousu, des cheveux un peu ternes, un chapeau démodé, un piano qui joue faux. Je me sens un peu comme eux, un objet périssable dont les heures sont comptées et dont tu ne veux plus. Ton regard est absent, ton âme impénétrable. L'amour a fait son temps et la vie continue. On n'ose plus se perdre dans l'autre infiniment. On jette tout et on s'en fout pour se sentir vivant. On quitte sans scrupule, on brise sans pudeur. On casse tout et on s'en fout puisque c'est l'heure du temps. Des boutons sans chemise, un dessin barbouillé, une bouteille à la mer, un ballon dégonflé, une chaussette trouée, les feuilles de l'automne, un canot qui prend l'eau, un passeport périmé, mon visage flétri, tes rêves inassouvis, nos attentes déçues. Je me sens un peu comme eux, un objet périssable dont les heures sont comptées et dont tu ne veux plus. Ton regard est absent, ton âme impénétrable. L'amour a fait son temps et la vie, toute la vie, notre vie continue. Non, jamais cela ne cité des corps, fuite des mots, des songes et des peurs. Tout est possible, tout est beau. Des doigts, je t'ai touché. Litanie pour l'été de l'auteur-compositrice-interprète Marie-Josée Ouimet, celle que j'appelle ma muse. J'adore tellement ce qu'elle fait, c'est vraiment très intéressant. Bon, en ce moment, je pense qu'elle dirige la chorale Saint-Jean d'Edmonton et il n'y a pas question d'album francophone en vue. Mais j'aimerais bien qu'un jour elle puisse nous sortir un quatrième album francophone. Elle en a trois albums, donc je pense que c'est peut-être... vous pouvez peut-être aller voir apcm.ca, mais ça m'étonnerait que ce soit encore disponible. Le dernier album est quand même un album lancé, je pense, c'était en 2002-2003. Donc ça fait un petit bout comme ça, mais c'est toujours de l'excellente musique à faire tourner avec grand plaisir. On va terminer ça avec d'autres artistes de la région d'Edmonton. C'est que la Galerie d'art de l'Alberta a décidé de programmer comme ça tous les troisièmes vendredis du mois des artistes de musique de la région d'Edmonton. Il y a le duo Baroque Pop FM qui était en spectacle tout récemment. Et la première partie était faite par Ariane Maric Lemire, qui, sur son dernier album, Je deviens le loup, a de très, très bonnes chansons. Entre autres, son dernier extrait qu'elle nous a proposé, ça s'appelle Post-it. Et assez intéressant, j'adore sa musique, j'adore son jeu de guitare, mais aussi ses textes sont rafraîchissants. Donc vous allez voir, Post-it, ça s'en vient dans quelques instants. Et on va terminer ça avec un autre que j'adore énormément, dont j'aimerais avoir d'autres musiques francophones de sa part. C'est Robert Walsh qui, lui, a joué. C'est un guitariste pas mal jazz, mais qui a joué avec plusieurs personnes à Edmonton. On va l'entendre avec lucidité dans quelques instants. Mais là, on y va du côté de Ariane Marie Clemire. Voici Post-it. Je porte des post-it comme pyjama, des trous de mémoire comme galoche, mais jamais je n'oublierai nos conversations tachées de café, nos nuits aux lueurs de chandelles, le velours de ton toucher. J'extrais tes empreintes de la dentelle de mes souvenirs, les embouteilles dans la cave de mes trésors, de mes remords. Un stylo se balance sur le bord de ma hanche, ton nom crépite sur le bout de ma langue. Ton nom dort dans le berceau de mes os. Ton nom dort dans le berceau de mes os. Je porte des post-it comme pyjama, des trous de mémoire comme galoche, un jeu d'échecs comme pantalon, le cœur de travers dans ma poche de veston. Une voix sort de mes semelles et m'arrache les talons. Tu étais le voyage, moi le vent, aussi en bord d'une falaise norvégienne. Nous avons perdu la tramontane, étouffée dans la fumée de nos gitanes. J'ai replié mes blessures dans la tapisserie de ma vie et j'ai repris mon chemin. Ton nom dort dans le berceau de mes os. Je porte des post-it comme pyjama, des trous de mémoire comme galoche, un jeu d'échecs comme pantalon, le cœur de travers dans ma poche de veston. Perdu leur saveur.